بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، c'est notre neuvième cours autour de du sujet le plus important dans cette religion qui est le monothéisme. Mais ton étonnement ne s'arrête pas quand tu entends certains poussins de l'école de la raison et certains intellos à dessous te dire pourquoi tant d'études autour du monothéisme, pourquoi tant de cours sur la religion et pourquoi tant de cours sur l'aqida. Vous voulez que cette société qui est dans ces sociétés, que des barbus, que des kamis, que des hijabs, hein? Pourquoi vous orientez pas les jeunes vers les études et vers le fait de prendre les postes et les hauts postes dans cette société? Et à l'islam, qui a interdit aux jeunes d'étudier? Du moment qu'ils respectent les obligations de Allah, qui leur a interdit? L'interdiction, elle est dans ta tête. C'est toi qui supposes. Hein? Et fait partie des enseignements de notre prophète, alayhi salatu wassalam, que le croyant fort est mieux que le croyant faible. Fort dans tous les domaines. Du moment que les choses qui le préoccupent et qu'il essaye d'acquérir, que ce soit au niveau de la science ou autre, ne lui fasse pas les obligations d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'il néglige pas les droits d'Allah. Et que, hein, il ne médise pas sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et certains parmi ceux-là qui parlent ainsi, ce sont eux les premiers, hein, et qui sont au-devant de la scène, et soi-disant les enseignants et les intellos, eux les premiers, leurs enfants font du mal sur terre. Eux les premiers. Certains parmi eux, leurs enfants sont les plus grands dealers. Ils font du mal sur terre. Certains braquage de centres commerciaux et autres. Et ça, c'est un grand mal sur terre. Wallahu la yuhibbu al-mufsidin. Allah, il n'aime pas le mal sur terre. Et si ces jeunes agissent ainsi, en étant issus d'une famille musulmane, parce qu'il y a un problème dans leur aqidah. Parce que s'ils avaient connu Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et ils avaient été dans un enseignement de la religion comme il se doit, et à respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'auraient pas agi ainsi. C'est parce qu'il y a une lacune, une défaillance dans leur enseignement et dans leur éducation. C'est pour ça qu'ils font le mal sur terre. Et ça fait partie du mal que de dégrader, hein, le bien d'autrui. Hein? Enfin, d'autres aussi te disent, ce n'est pas le moment d'apprendre l'aqida. Les temps ont changé. Maintenant, le moment est venu à prendre des postes pour changer ce pays, pour changer l'Europe. Ça, subhanallah, Zawajal, tu ne changeras rien du tout. C'est toi qui vas laisser ta peau dedans. Tu ne changeras rien du tout. C'est toi qui changeras. Hein? Parce que ici, tu es dans un moule et dans une machine qui broie et qui te broie à l'intégration. Donc, tu vas te rentrer dans le moule comme ils veulent si tu veux arriver au poste. et tu ne changeras rien du tout. C'est toi qui changes et c'est toi qui vas laisser ta peau, qui vas laisser ta personnalité de musulman et tu vas t'éloigner de ta religion. Ça s'est même passé dans les pays musulmans. Il y a des gens et des musulmans en Jordanie qui avaient le qamis et la tenue vestimentaire comme il se doit, hein, au niveau de la cheville, avant la cheville, et une barbe comme il se doit. Et ils ont voulu rentrer dans juste les conseils municipaux. Cheikh Nasser, par l'intermédiaire de la personne qui lui a posé la question, leur a fait le conseil. Et eux, ils ont insisté, ils se sont entêtés à rentrer dans ces parlements et dans ces conseils municipaux. Et cette barbe qui ressemblait à la sunna de Mohammed alayhi sallallahu alayhi sallam, petit à petit commençait à s'embellir, comme ils disent, et ne pas partir dans n'importe quel sens, comme ils disent. Et ce qamis qui était plus haut que la cheville a commencé à être changé par un pantalon large et par une veste, jusqu'à être changé par un complet veston dont le pantalon est serré qui dessine la forme de l'être humain qui est perdu. Et cet homme à qui a été fait le conseil pour ne pas être dans la mixité était obligé, en étant assis dans un conseil municipal ou dans un parlement, à serrer la main et à être côte à côte à côté d'une autre élu comme lui. Qui a perdu? Qui a gagné dans ces cas-là? Qui a changé? Il faut savoir ce qu'on dit. On ne peut rien changer. Et le changement ne vient pas comme ça. Les prophètes d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a envoyés pour réformer la vie de leur peuple. Mais ils n'ont pas commencé à concurrencer le gouverneur sur son poste, ni à vouloir le poste de la mairie, ni le poste de la municipalité. Mais ils ont drainé leur peuple vers quoi? Adorer Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré. Et nous aussi, si on veut changer quoi que ce soit, le chemin est lent. Ça ne se gagne pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Et même si tu prends ce chemin, tu ne verras pas son fruit, peut-être. Mais là, les autres qui vont venir derrière toi, peut-être ils verront ce fruit. Ou là, ce sera encore d'autres générations qui vont le voir. Mais malheureusement, on est dans un monde qui est pressé maintenant, et on veut tout de suite les fruits, tout de suite. On n'a même pas planté l'arbre. Et on veut cueillir tout de suite, maintenant. Et c'est impossible. C'est demander l'impossible à l'islam. Et certains te disent, mais ce n'est pas le moment de s'occuper de ça, les temps ont changé, subhanallah. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Là, tu es en train d'attribuer l'ignorance à Allah, a'udhu billah. Et qu'on est en Europe, et qu'on est au 21e siècle, le 22e siècle, comme tu veux. Pour moi, je suis encore au 15e siècle, à l'aube du 15e siècle de l'Égypte. Hein? Sauf frère en Allah, azzawajal. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit le crayon et lui a dit, écris ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Et ce qu'il va être, c'est ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que le fait que tu sois à une période où l'évolution humaine, hein, et le progrès a atteint son plein, etc., tout ceci est écrit dans Lawh al-Mahfouz. Et tout ceci rentre dans ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala dans cet univers. Et tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala le sait avant que ça existe. Hein? Donc, si tu dis les temps ont changé, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas que le temps allait changer. Hein? Il faut se rendre à l'évidence des fois, les conneries et les énormités qu'on dit. Et pourquoi justement on débite tant d'énormités? Parce que justement, on a un problème dans notre aqidah et dans nos croyances, et parce qu'on ne maîtrise pas bien nos croyances. Hein? Et on ne maîtrise pas bien les règles principaux de nos croyances. C'est ça, le problème, il est là. La lacune, il est là. Le problème n'est pas dans l'ennemi d'Allah. L'ennemi d'Allah, il est clair. Nous lui avons donné une clé de nous-mêmes. c'est l'ignorance de nous, de ce qui est obligatoire dans la religion. C'est nous le problème. C'est nous le problème. Le problème n'est pas dans la religion. Le problème, il est en nous, dans notre négligence et dans notre ignorance. Il faut se rendre à l'évidence. Enfin, le monothéisme dont on parle depuis vendredi, Khawatir Islam, veut de nous qu'on réserve le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'on sache que tous les associateurs qui sont passés reconnaissaient comme quoi Allah est le seul créateur et qu'il donne la vie et qu'il donne la mort. Mais ça n'a pas fait d'eux des monothéistes. Et que le grand combat qu'il y a eu entre eux, Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Lahab et Abu Jahl et leurs similaires n'étaient pas pour reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala donne la subsistance et que Allah subhanahu wa ta'ala donne la vie et la mort, loin de là. Mais le grand combat était dans le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid, amruhu amrun khatir. ويجب أن نحقق التوحيد في حياتنا لكي يتحقق لنا وعد الله ويتحقق لنا النصر والتمكين على الأرض والخروج من الخوف والوصول إلى الأمن وإلى الاستقرار. Le monothéisme est quelque chose de très important et il est obligatoire pour nous de l'accomplir dans notre vie pour qu'on arrive à la sécurité, qu'on puisse vivre dans la sécurité et dans la quiétude, et pour avoir le triomphe, minallah, et pour avoir l'honneur et l'élévation. Rentre à faire. Oui. Avancez un peu là. Non. فالعبادة كما مر معنا أخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Et l'adoration, comme il est passé avec nous, frères en Allah, Azza wa Jal, est un nom qui englobe beaucoup de choses. La définition de l'adoration est vaste. Il englobe tout acte, toute parole, apparente et cachée, la parole du cœur et la parole de la langue, les actes du cœur et les actes que nous faisons avec nos membres. Et quand ces actes-là et ces paroles apparentes et cachées font partie des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, c'est une adoration. Il est dit dans le verset, « Dis ma prière, hein, mon sacrifice, hein, ma vie, ma mort sont pour Allah, souverain des mondes. Et c'est ce qui m'a été ordonné. Et je suis le premier des soumis à Allah. قُلْ إِنَّ صَلَاتِ هَذَا مِتَالٌ لِشَعِيرَةِ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَنُسُكِي عَلَى أَصَحِ التَّفَاسِيرِ الدَّبْحِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي نَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فالصلاة مثال للشريعة للشعيرة والنسك مثال لما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى المعبود بحق. فبعد أن خص عز وجل عم بعدها ومحياي ومماتي فالكل لا تجزئة فيه كله يجب أن يكون لرب العالمين. فإن الله عز وجل يزيد الفرسي دي ما بخيار. Et pour qui? Pour Allah. Ça, c'est un exemple de l'un des emblèmes de cette religion. Et il a dit, après, et mon sacrifice, selon la parole, hein, qui est la parole qui est prise par les hommes. Il y a plusieurs interprétations, un nusuk, mais la parole la plus vers laquelle s'orientent les exégètes, c'est que nusuk, c'est le sacrifice qu'on fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nusuk, c'est un acte avec lequel on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, c'est un des exemples des actes avec lesquels on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité certains actes bien particuliers, la prière, le sacrifice. Et après, il a cité des actes généraux. Et il a dit après le particulier, il a ramené le général en disant, ma vie et ma mort, c'est toute ma vie, tout ce que je fais dans ma vie, ce que je dis, hein, ce que je fais, et ma mort, je dois mourir pour, en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Donc tout. Alaykoum salam wa rahmatullah. Wa min huna ta'lam. المقولة التي يرددها بعض الناس الدين لله والوطن للجميع هذه مقولة شركية لا يجوز ترضادها ولا التلفظ بها بل الدين لله والأرض لله كل شيء لله البلاد لله والدين لله والعباد لله كل لله عز وجل فليس للجميع شيء وليس للناس شيء بل الكل لله عز وجل. Partant de là, tu comprends cette expression qui est fausse, que nous ne devons pas répéter, que beaucoup répètent dans le monde musulman. Hein? La religion est à Allah et la patrie est à tout le monde. La religion est à Allah et la patrie est à tout le monde. Et ça, c'est une expression dans laquelle il y a de l'associationnisme. Il ne faut pas la répéter. La religion est à Allah, la terre appartient aussi à Allah, tout appartient à Allah. La religion, les humains, les génies, hein, la terre, tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jal qala li rasulihi alayhi salatu wassalam, laysa laka min al-amri shay, wa huwa man hu, Rasulullah. Fa sayyidul awwalina wal akhirin, qala azza wa jal له ليس لك من الأمر شيء ومحمد ليس من حقه عليه الصلاة والسلام أن يقول الدين لله ومكة للجميع وما قالها عليه الصلاة والسلام ولا قال الدين لله والمدينة للجميع أبدا ما قالها عليه الصلاة والسلام الله عز وجل ici a adressé à son message عليه الصلاة والسلام dans un verset lui a dit rien ne t'appartient. Laisse la camina. Aucune situation, tu ne peux rien pour aucune situation. Les situations ne t'appartiennent pas. Et en plus, à qui a été adressé ce message? À Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le meilleur de la création. Des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus noble de la descendance d'Adam alayhi wa sallam. Rien ne t'appartient ni à Mohammed. Aucune situation ni à toi. Et donc, Mohammed n'a jamais dit à la communauté la religion est pour Allah et Mecca est pour tout le monde. Ou la religion est pour Allah et Médine est pour tout le monde. Jamais il l'a dit. Bel hatta wa in aasha al-yahoud wa al-nasara fi al-madinati fa innaha lillahi azza wa jal wahda fa'ashu fiha bi shar'i wa bi hukmi Allah azza wa jal. إن عاش غير المسلمين في أرض الله فلا بد أن يعيشوا فيها وفق أحكام وشرع الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض ومدبرهن ومصرفهن. Donc même si les juifs et les chrétiens avaient vécu à Médine, ils ont vécu à Médine. Médine appartient à Allah. Ils ont vécu à Médine sous la législation d'Allah Azza wa Jal. Ils ont vécu à Médine parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils vivent à Médine. Hein? Et si les non-musulmans vivent sur la terre d'Allah Azza wa Jal, ils doivent y être l'ordre. Hein? Ce qui est obligatoire pour eux, c'est qu'ils doivent accomplir la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. La législation d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a légiféré pour l'humanité entière. فليس للناس شيء وهذه المقولة إنما استقاها بعض من ينتسب للإسلام وبعض من يقلد النصارى تقليدا للنصارى لما حصل في أوروبا ما سموه بقضية فصل الدين عن الدولة. Donc cette expression, ceux qui la répètent, ce sont ceux qui aiment imiter les chrétiens et qui aiment faire des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala et imiter ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'imiter. Quand il y a eu cette séparation entre l'Église et l'État, la séparation de la religion et de l'État, est née cette expression. Donc son origine, ceux qui l'ont pris parmi les musulmans, ils l'ont pris d'eux, de ceux que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de les imiter. فالتاريخ كما تعلمون أهل الكتاب حرفوا الكتاب وغيروا كتبهم وبدلوا وفق أهوائهم لأنهم تعجبهم الأهواء ويسيرون على حسب أهوائهم وصل الكتاب المقدس المزعوم هذا بعد تحريفه وتغييره إلى حالة أصبحت نصوصه تتصادم مع الواقع. Donc comme vous le savez par l'histoire, c'est que les gens du livre, ce sont des gens qui falsifient et qui ont falsifié leur livre. Ils ont changé dans leur livre parce qu'ils aiment bien suivre leur passion, ce que leur dicte leur raison. Hein? Et le livre, la Bible et autres, est arrivé à un état déplorable au niveau de la falsification. À tel point que les textes dans la Bible, entre elle et la réalité du progrès, il y a un clash tout le temps. Il y a eu des clashs. يعني عندما يتلو الناس من أهل الكتاب النص من كتابهم المحرف يجدونه يصطدم مع الواقع وطبعا بدأت قضية الاصطدام تتضخم وتزداد وتنشأ كثيرا في تلك العصور وفي تلك اللحظة نفسها ظهر أقوام ينتمون إلى البحث العلمي وإلى حقائق العلوم الكونية فكلما وصلوا إلى حقيقة كونية وجدوا نصوص الكتاب المقدس المزعوم تتصادم مع ما وصلوا إليه. Il est évident à cette époque, quand les gens lisaient ces livres falsifiés, il y a un clash qui se passait entre les textes et la réalité que les gens vivaient. Hein? Et à ce moment-là, on commençait à naître les recherches scientifiques dans ce monde européen. Et chaque fois que le progrès ou la recherche humaine arrive à une réalité, à une découverte, et à découvrir des choses de cet univers, quand ils reviennent vers le texte soi-disant sacré, il y a un clash, il y a une contradiction énorme. Ça ne correspond pas. وطبعا لو كان من عند الله لكان كما قال رب العزة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Et naturellement, s'il était d'Allah Azza wa Jal, il n'y aurait pas toutes ces contradictions. Puisqu'il est dit dans le verset, s'il était de quelqu'un d'autre qu'Allah, ils y trouveraient beaucoup de contradictions. Et c'est le cas. وإذا كان من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه تناقض. ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تناقضا مع الحقائق الواقعية ومع ما وصل إليه الخلق لأن هذه الحقائق التي وصل إليها الخلق هي من خلق الله فلا يمكن تناقض خلق الله مع كلام الله أبدا كيف يمكن التعارض بين كلام الله وبين خلقه هذا لا يمكن أبدا ولا يقبله العقل السليم et s'il était si ce livre prétendu était d'Allah Azza wa Jal il pourrait y avoir aucune contradiction entre le livre et la découverte scientifique parce que ce livre est supposé être la parole d'Allah comment la parole d'Allah va être en divergence avec la créature d'Allah, puisque cette découverte qui est faite, c'est l'une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Donc c'est impossible qu'il y ait une contradiction entre la parole d'Allah et la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan, impossible. ولما وجد التعارض صاروا بين امرين اما ان يقولوا هذا الدين باطل وهذا الكتاب محرف وهذه طبعا كانت ثقيله على النفوس جدا Et quand ils sont arrivés à ce point-là, ils sont devant deux situations. Ils n'ont pas une troisième solution, deux solutions. Ou ils disent que cette religion est fausse et ce livre est falsifié. Et ça, c'était impossible, naturellement. L'être humain ne reconnaît pas et n'accepte pas ses erreurs comme ça. لماذا لم يتجهوا هذا خاصة وأن ذلك الوقت الباباوات هؤلاء كانوا يسيطرون على الحكم وهم المسيطرون على الثروات وفي المقابل كان أمامهم أمر آخر وهو أن يقولوا أن هذا الكتاب حق وهذه العلوم باطلة وهذه الحقائق الكونية باطلة وهذا فيه إلغاء للمعقول الذي يقر به العقلاء يعني أن الواقع الذي يقر به كل العقلاء لا بد من إنكاره وهذا مستحيل كذلك هذا لا يقبله الناس لأنه يشاهدونه ويلمسونه Et surtout qu'à cette époque, pourquoi ils n'ont pas dit que le livre est falsifié, que cette religion est noble et vraie et véridique, et qu'ils n'ont pas reconnu que cette religion soit fausse, parce que les papes et les hommes de l'Église, c'est eux qui avaient le pouvoir. Les richesses de l'Église sont énormes à cette époque. Hein? Et donc, ils avaient une autre solution. Ils sont allés vers une autre solution. C'est dire que ce livre qui est falsifié, c'est la vérité. Et ces sciences sont nulles. Et ces découvertes au niveau de l'univers, au niveau de la science, sont nulles. Et après, ils ont dit que c'est de la sorcellerie, etc. Combien de procès il y a eu pour certains scientifiques à cette époque, etc. Hein? Et là, évidemment, il y a dans cette réaction qu'ont eu les papes et l'Église avec ces hommes, le fait de faire la négation de la raison. Hein? Quelque chose que prouve la raison et qui est concrète et que tout un être humain doué de raison voit devant lui, l'Église lui dit non, c'est faux. C'est de la sorcellerie. C'est de l'illusion. Hein? Et il est évident que c'était impossible que ça puisse durer comme ça. كأنهم يحتاجون إلى أن يقولوا للناس يجب أن تقتنعوا بأن الشمس تطلع من المغرب ولا تطلع من المشرق وهذا أمر مستحيل comme s'ils avaient besoin de faire gober aux gens et de leur dire qu'il est obligatoire de croire que le soleil se lève de l'ouest et non pas de l'est et ceci c'était impensable ils ne pouvaient pas y arriver وهذا هو الذي كان يمكن أن يقوله وطبعا ما استطاعوا هذا وعندها وصلوا إلى حل وسط وهو قولهم أيها الباواوات والبباغات لكم قداستكم ولكم مكانتكم في القلوب والنفوس لكن حياتنا لا يمكن أن تستقيم إذ وجدنا تعارضا بين حقائق العلم وبين نصوص الكتاب فكتابكم هذا عليكم أن تلقوه بين جدران الكنائس نقدسه هناك ونحترمه هناك أما إذا خرجنا خارج الكنيسة فهذه حياتنا ونحن أحرار فيها نحيا كيف نريد بالطريقة التي نرتضيها ونختارها لأنفسنا ومن هنا نبعت العبارة المشهورة دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر وهذا شرك فوق شرك إذ جعلوا المسيح عليه السلام ولدا لله وابنا له تعالى وابنا لله عز وجل تعالى الله عما يقول الظالمون donc il a à ce moment là la situation est devenue insupportable. Pour ça, ils sont arrivés à cette solution du juste milieu. Et la société a dit au pape, les génies de la société ont dit au pape et aux hommes de l'Église, vous les papes, vous les hommes de l'Église, vous avez votre place dans nos cœurs. On vous respecte, on vous vénère. Mais notre vie ne peut pas s'accomplir alors que nous trouvons des contradictions entre le livre et la découverte scientifique. Donc votre livre, vous allez le laisser, il est enfermé dans l'Église, nous allons le respecter là-bas. Et le vénérer là-bas. Mais quand on sort en dehors de l'Église, ça c'est notre vie, on fait ce qu'on veut. On est libre de gérer notre vie comme on veut. Et comme nous l'avons, comme nous l'agréons et comme nous l'aurons choisi. Partant de là est née cette expression qui est réputée. Laisse ce qui appartient à Allah, Allah, et ce qui appartient à César, à César. Et ça, c'est un associationnisme encore de plus dans la chrétienté, puisque déjà, ils avaient fait que le Messie soit le fils d'Allah, ou soit Allah, et maintenant ils y rajoutent aussi César. فَجَعَلُوا رَبَّهُمْ ثَلَاثَةً وَوَصَلُوا فِي النِّهَايَةِ إِلَى أَنَّ الْمَسِيحَ هُوَ اللَّهُ وَقَدْ كَفَّرَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى حيث جعلوا الله شيئا جعلوا لله شيئا ولهم شيئا وقسموا المسألة وهذا مثل ما فعله المشركون في الجاهلية هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وهذا تقسيم البشر أما الله فكل شيء له إذ قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وَبِدَالِكَ أُمِرْتُوَنَا وَالْمُسْلِمِينَ. Donc, ils ont fait cette trinité. Et à la fin de la trinité, ils sont arrivés au sommet, c'est que le Messie, Isa, c'est Allah directement. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus comme mécréants, a décrété leur mécréance. Et maintenant, une autre mécréance, c'est que ils ont donné à Allah des choses, ils ont donné à l'humain des choses. Et cette division des choses, c'est la même chose qu'ont fait les associateurs dans la période pré-islamique. Ils ont prétendu que ça, c'est pour ceux qu'on associe. Et ça, c'est pour Allah. Et ça, c'est une division humaine. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut, comme il est dit dans le verset 10, « Ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort, sont tout ça pour qui ?» Pour Allah. Il n'a pas d'associé. Il est le souverain du monde. Wa subhanallah. Yarfuduna an yakuna ma yansibuna ila Allah li anfusihim. Za'amu anna al malaikata banatu Allah. Fa'abadu al malaika. Wal ibadatu lam taqtasir faqat ala ibadati al malaikati shayatin wa ala ibadati al jinn. Fa min al nas man ashraka billah id 'abada al malaika. ومن الناس من أشرك بالله إذ عبد الصالحين ومنهم من أشرك بالله إذ عبد الأشجار ومنهم من أشرك بالله إذ عبد الشمس والقمر والنجوم والكواكب ومن الناس من يعبد إلى يوم الناس هذا الأبقار ومنهم من يعبد الفيران ويوجد في الهند أكبر معبد بني بالرخام الأبيض تقدم القرابين للفأر ويعبد الفأر من دون الله إلى يوم الناس هذا في بلد وصل إلى قمة الحضارة تعبد فيه الأبقار وتعبد فيه الفيران وهذه سفاهة ما بعدها سفاهة وانحطاط ما بعده انحطاط فبماذا تنفع هذه الحضارة وهذا التقدم بماذا تنفع إذا كان الإنسان يسجد لبقرة فالبقرة أحسن منه وإذا كان يسجد لفأر ويقدم القرابين للفأر فالفأر أحسن منه donc et ton étonnement ne s'arrête pas. Ils se sont refusés à s'attribuer ce qu'ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les associateurs ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala que les anges, c'est ses filles. Alors, comme nous l'avons vu hier, quand un associateur à l'époque de Mohammed alayhi wa sallam, on lui annonçait qu'il a une fille, il ne sait plus où se mettre, de honte. Et malgré tout ça, ils attribuent la fille à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont adoré les anges. Et l'adoration ne s'est pas arrêtée aux anges, ni à Shayatin, ni à Al-Jinn. Il y a des gens qui ont adoré les pierres, qui ont adoré le feu, qui ont adoré les arbres, qui adorent le soleil, qui adorent la lune. Et de nos jours, des gens qui se prosternent pour les vaches, il est des temples, des grands temples qui sont construits avec le marbre blanc. Et ces temples, on adore les rats. Et de toute l'Inde, on ramène des sacrifices à sacrifier pour les rats. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, ce rat est mieux que celui qui l'adore, qui se prosterne pour lui. Cette vache est mieux que celui qui se prosterne pour lui. Alors que l'Inde est arrivée à un degré de la civilisation, soi-disant du progrès scientifique, etc. Il est au-devant de la liste des pays qui ont atteint un degré de progrès, soi-disant. Et pourtant, une grande majorité de la population se prosterne pour les vaches. Une population ramène des offrandes et les sacrifie pour les rats. وفي السنوات الماضية وصفت امرأة بأنها عظيمة وهي عظيمة في الشرك لا شك اندرا غاندي وهذه المرأة كانت تسجد للبقر أي عظمة في السجود لبقرة أي عظمة هذه البقرة أفضل منها البقرة أفضل ممن يسجد لها. Les années dernières, je crois que vous étiez encore jeunes, le monde a décrété une femme géante, ils ont dit. C'était Indira Gandhi. Elle était à la tête de l'Inde. Et cette femme, que le monde et les journalistes disent que la femme géante, etc., se prosternait pour la vache. C'est quoi cette grandeur? La vache est mieux qu'elle. La vache est mieux qu'elle, Akhal Islam. فربنا عز وجل بين في القرآن أن المشرك كالأنعام بل هم أضل منها فالأنعام وإن ضلت بمعنى أنها لا تعقل فإنها ضلت لأن الله عز وجل خلقها لا تعي ولا تعقل. Allah Azzawajal dans le Coran nous a montré que l'associateur est pire que les bestiaux. Parce que si l'animal, lui, s'égare, parce qu'il a été créé comme ça, il n'a pas de raison. Il n'a pas de conscience. C'est normal qu'il s'égare comme ça. Qu'il boit, il mange, il copule, il dort. Il est créé comme ça, c'est sa nature. Amma man yasjudu lil baqar فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ يَعِي وَيَعْقِلْ وَكَلَّفَهُ بِنَاءً عَلَى وُجُودِ الْعَقْلِ فَإِذَا ظَلَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَدَوَاتِ الْفَهْمِ فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ رَبُّ الْعِزَّةِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Quant à celui qui se prosterne pour la vache ou là pour les rats, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé, il lui a donné une conscience et une raison. Et partant de la raison avec laquelle il l'a doté, il lui a fait des choses obligatoires qu'il doit réserver son culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala a doté de la raison s'égare. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les outils de la compréhension. Et il s'égare, ben il est comme il a dit Allah Azza wa Jal. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent rien. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient rien. Certes, ils voient, mais ils ne voient pas la réalité. Leur cœur ne voit pas. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, sinon plus égarés que les bestiaux. Ainsi les a décrits Allah subhanahu wa ta'ala. إذا لا بد أن نفهم أن الناس قديما وقعوا في الشرك من جهة الملائكة عبدوها من دون الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا مع أنهم يكرهون لأنفسهم أن يرزق أحدهم بالأنثى وينسبون الإناث لله سبحانه وتعالى تعالى عما يقول الظالمون تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا يجعلون له ما لا يرضونه لأنفسهم il faut qu'on comprenne que les gens sont tombés dans l'association certains ont adoré les anges comme il est passé ils ont fait que les anges soient les filles du serviteur les filles du clément Azza wa Jal et que ce soit des femelles et des filles d'Allah subhanahu wa ta'ala Alors qu'ils détestent eux qu'on leur annonce qu'ils ont la naissance d'une fille. Hein? Ils le détestent pour eux, mais par contre ils l'attribuent à Allah, Azza wa Jal qui les a créés. فَهَا نَحْنُ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ تَسْمَعَ النَّاسِ تَقُولَ الْيَوْمِ الدِّينُ لِلَّهِ وَالْوَطَنُ لِلْجَمِيعِ السِّيَادَةُ لِلَّهِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَمَّا السِّيَادَةُ فِي الشَّارِعِ فَهِيَ لِلْقَانُونِ الَّذِي وَضَعَهُ الْإِنسَانُ Et voici à notre époque, on arrive à l'époque dans laquelle, on imite les chrétiens, et tantôt certains disent la religion est pour Allah et la patrie pour tout le monde. La souveraineté d'Allah, elle est dans la mosquée. Quant à la souveraineté dans la rue, il appartient à la loi. Qu'on choisit les hommes. Alaykoum salam. فَهَلْ يَرْضَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَّمُوا هَذَا التَّقْسِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ سِيَادَةُ الْقَانُونَ تَكُونُ فَقَطْ تَحْتَ قُبَّةِ الْبَرْلَمَانِ فَقَطْ وَأَمَّا فِي الشَّارِعِ فَلَا فَهَلْ يَرْضَوْنَ بِهَذَا طبعاً لا يرضونه إن الشرع الذي شرعوا يريدونه أن يحكم فلا يرضونه لتشريع شرعوهم بل Est-ce que ceux-là qui ont fait ces divisions maintenant, ils vont accepter qu'on leur dise la souveraineté des lois que vous avez créées doivent agir seulement sous la coupole du Parlement et dans la rue, non, c'est la législation d'Allah. Ils ne vont pas accepter. Parce que pourquoi ils ont légiféré ces lois ? C'est pour qu'ils les mettent en application. إذا قلنا لهم والله قانونكم هذا معظم ومحترم ولكن فقط تحت قبة البرلمان أما في الشارع فلا فالجواب ستكون ردة فعل قاسية لأنه لا يمكن لقانون أن يكون قانونا حتى يحكم سواء لو دي با الله votre canon هذا votre loi on les respecte ils sont bien mais ils doivent s'arrêter tout simplement sur le toit et sur la coupole d'un parlement. Pas dehors. Leur réaction va être très dure. Parce qu'une loi qui est faite, c'est pour être appliquée. Vas-y, va le dire maintenant. Dis-le à tes parlements ici autour de toi. Qu'est-ce qui va arriver? Il va accepter de toi. Il va te prendre pour un fou. Mets-toi devant... Le parlementaire qui répond, c'est quel département, là? Les Saônes, là, le 35. Mets-toi devant lui et dis-lui, cher président de notre région, bon, tes lois, là, tu les gardes pour... Sur la coupole du parlement. Et la rue, on ne les veut pas. Comment tu vas... Où est-ce que tu vas te retrouver? Peut-être, ils vont appeler... C'est le 15. Ils vont te mettre la camisole, La camisole, non, là, leur camisole, là, pas la camisole, camisole blanche, là, pour t'attacher. Et après, quand tu sortiras de là, tu comprends plus ce qui t'est arrivé. وكذلك رب العزة عندما قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأولي العلم يقولون الصلاة لله، فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن جعل حياته لغير الله فقد أشرك، ومن جعل نصف حياته لغير الله ونصفها لله فقد أشرك. الممات يكون لله عز وجل، فإذا كان موتك فليكن في سبيل الله. فهنا الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ديكريتي دون القرآن، دي لوغ يا محمد ما بخيير مغيت دو ساكريفيس ما في ما مور سون بور الله لو سوفران دي موند إن با داسوسي جو سوي لو برومي سومي. Les hommes de science partant de là, ils disent, celui qui prie pour autre qu'Allah, ben il est associé. Et celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, il a sacrifié. Et ta vie aussi doit être pour Allah, Azzawajal. Et quand tu sors, ça tu dois, si tu dois te donner sur le sentier de Allah, c'est on t'appelle avec un combat qui, dans lequel toutes les conditions sont réunies, ben, tu sors pour Allah Azza wa Jal et pour mourir pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Na'am, dinuna yuhabbib lana awtanana wa biladana allati na'ishu fiha. Lakin ayu muhabbatin hadhi? Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min Makkah wa huwa yanzur wa yaqul: Ama inna Allah ya'lamu annaki min ahabbi biladillah ilayhi wa mimma la shakka fiha anna hubb an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Makkah ليس لأنها موطنه فحسب، وإنما لأنها أرض كرمها الله وبارك فيها وحولها. Certes, notre religion ne nous interdit pas d'aimer nos pays. Loin de là. Mais de quel amour? Le prophète, alayhi salam, quand il a quitté la Mecque pour sauver sa religion et pour faire triompher la parole d'Allah, azza wa jal, il a dit en regardant derrière lui, en regardant la Mecque, il a dit: Allah sait que tu es la terre la plus chère à mon cœur. Il n'y a aucun doute que l'amour du prophète alayhi salatu salam pour la Mecque, c'est pas tout simplement parce que c'est là où il est né, c'est parce que aussi c'est une terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni. ونحن إذا قيل لنا أي البلاد أحب إلى قلوبكم فلا نقول فرنسا والجزائر وتونس ولكن فلنقول مكة والمدينة. نحن مسلمون لا ننتمي إلى الأرض والطين، وإن أحببت بلادك فإن حب مكة والمدينة يجب أن يكون في قلبك أشد من حبك لبلادك. Et quand on nous pose la question, quel est le pays que tu aimes le plus, quel ton cœur est attaché? Alors notre réponse, il faut faire très attention, ne doit pas être la France, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. Mais nous devons dire la Mecque et Médine, car nous sommes musulmans. Nous appartenons pas à la terre et à la poussière et aux murs. Et si tu aimes ton pays, l'amour de Mecca et de Médine doit être au-dessus de l'amour que tu as pour ton pays. L'amour pour Mecca et Médine doit être encore plus fort que l'amour que tu portes pour ton pays. لأن الله عز وجل جعل لمكة والمدينة من الكرامة الشرعية ما لم يجعله لغيرهما. Parce que Allah سبحانه وتعالى a honoré la Mecque et Médine d'un honneur qu'il n'a pas donné à d'autres terres. ولا يقال لمسلم أبدا أن يبغض بلاده. هذا لا يقول به عاقل. لأن الناس يحبون بما جبل عليه مواطنهم ومساقط رؤوسهم. Personne ne dit à un musulman de détester le pays, son pays. Loin de là. Parce que les gens, il est inné en eux d'aimer la terre et l'endroit où ils sont nés, où ils ont grandi, etc. Il n'y a personne qui est doué de raison qui va dire à quelqu'un qu'il doit détester ton pays. وعليكم السلام. وهذا حب جبلي، لكن هذا الحب الجبلي يجب أن يسخر لدين الله عز وجل أولا وآخرا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله. Et cet amour pour le pays, c'est quelque chose de naturel. Hein? Mais cet amour pour le pays, il faut le mettre au service de la religion. En premier et avant tout. Et c'est pour ça, quand on a posé la question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, l'homme combat pour défendre sa famille, ou là pour défendre son territoire, défendre le pays, ou combat pour montrer sa bravure et sa force, ou combat par ostentation, qui est le combat qui est parmi tout ça, qui est sur le santé d'Allah. وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ أَحَدُكُمْ حَمِيَّةً وَلَا شَجَاعَةً مَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ لأنه فعلا يمكن لبعض المسلمين بالإضافة لكونه يقاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا فهو أيضا يقاتل للدفاع عن عرضه وعن أهله وعن إخوته وعن بلده وممكن أن يقاتل كذلك وهو يريد أن تكون كلمة الله هي العليا لكي يبين شجاعته. دونك الرسول صلى الله عليه وسلم quand il leur a répondu, il leur a pas dit, n'est pas permis de combattre pour défendre les siens, ou là pour défendre sa terre et ses biens, etc. Ni, il n'est pas permis de combattre pour montrer la bravure, etc. Hein? Parce que, plus que le fait de combattre pour que la parole d'Allah soit la plus haute, hein, il se peut que quelqu'un combat aussi pour défendre son pays. Mais avant tout, il met quoi en priorité ? Pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Et ça se peut qu'aussi, il met, en mettant en avant que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala la plus haute, il combat pour défendre les siens, pour défendre sa patrie. Hein? Ou il combat pour montrer sa bravure et sa force. Tout en ayant à l'esprit en priorité qu'il combat pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. لكن القضية ليست قضية حمية أو شجاعة. فأجابهم عليه الصلاة والسلام إجابة جامعة مانعة قال لهم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Et le point essentiel, ce n'est pas le fait de combattre pour défendre sa patrie, ou là pour défendre les siens, etc., ou là pour montrer sa bravure. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une réponse, une grande réponse, qui coupe court à tout. Il leur a dit, celui qui combat pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute, c'est celui-là qui est fi sabilillah. فأجابهم عليه الصلاة والسلام عن كل ما كان يمكن أن يسألوا عنه. كل هذا الكلام جميعه شارة واحدة وكلمة واحدة. الذي يقاتل ونيته أن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حتى وإن انضم إلى ذلك المحافظة والمدافعة والدفاع عن أرضه وعن عرضه فلا شك أنه من مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد لكن هذا كله حتى تحت الشارة الأم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وفعل الله عز وجل كنت لبخوية عليه الصلاة والسلام لغا ريبوندو لغا ريبوندو sur toutes les questions qui s'opposaient avec une parole qui réunit tout. Hein? Une seule parole. Et tout ce qui sera fait sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être sur l'étendard de cette parole. Celui qui combat et son attention que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute, celui-là sera sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si se réunit à ça le fait de défendre sa terre ou de défendre son honneur. Il n'y a aucun doute que celui qui est mort en défendant son honneur, il est mort martyr. Et celui qui meurt pour défendre sa fortune, il meurt en martyr. Mais tout ça doit être sur l'étendard et sur l'emblème de celui qui combat pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Celui-là, il sera mort sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِذَلِكُمْ لَمَّا تَعَارَضَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ حُبُّ الْأَوْطَانِ مع حب الأديان قدموا واجب الأوطان أو قدموا واجب الدين. Et quand c'est opposé aux compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, l'amour de la patrie et l'amour de la région, qu'est-ce qu'ils ont mis en avant? L'obligation de la patrie ou là l'obligation de la religion? قاتل سلمان الفارسي الفرس مع المسلمين. وهو فارسي. وقاتل عمر القرشي قريش مع المسلمين وهو قرشي. وقاتل صهيب الرومي الروم مع المسلمين وهو رومي. وعليكم السلام ورحمة الله. Donc Salman al-Farisi a fait le combat avec les musulmans contre les Perses alors qu'il est d'origine perse. Omar qui Quraishite a fait le combat avec les musulmans contre les Quraishites alors qu'il est Quraishi. Comme Abu Bakr et comme tous les autres compagnons qui ont fait l'émigration de la Mecque vers Médine. Suhayb a combattu le Romain avec les musulmans alors qu'il est d'origine romaine. Qu'est-ce qu'ils ont mis en avant? La patrie ou la religion? Hein? إذن هنا نعرف الشارة الأم وهي الأصل الممات كله يجب أن يكون لله. ربنا لا يقبل 99% له و 1% لغيره. كل شيء يجب أن يكون لله. Partons de là, hein? On sait que Allah سبحانه وتعالى n'accepte que ce qui est fait pour lui. Notre mort doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas 99% pour lui et 1% pour autre. Là, tout pour Allah. كذلك من أنواع التوحيد توحيد المحبة. فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هل الدين يقول لك ألا تحب والديك أو ألا تحب زوجتك أو ألا تحب أولادك؟ الدين يدعو إلى حب الوالدين وإلى برهما ومصاحبتهما بالمعروف وإلى حب الزوجة والأولاد. وقال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. On fait partie aussi une forme du monothéisme, c'est l'amour, le monothéisme, d'accomplir le monothéisme dans l'amour. L'amour qui est du domaine de la vénération doit être réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est des gens qui aiment en dehors d'Allah, il est dit dans le verset, il est des gens qui aiment en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, des équivalents à Allah, ils les aiment de l'amour, vénération qui n'est dû qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont cru ont un grand amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour, adoration, l'amour, vénération. Hein? Est-ce que maintenant la religion t'interdit d'aimer tes parents? Pas Allah que non. Est-ce que la religion t'interdit d'aimer ta femme, tes enfants, ta famille? Pas Allah que non. La religion t'invite à obéir à tes parents et à les aimer et à être bon avec et d'être d'un bon comportement avec. T'invite aussi à être doux avec ta femme et d'être d'un bon comportement avec, etc. Et il est dit dans le verset, c'est il te combat pour que tu me fasses un associé alors que tu n'as pas de science sur la chose sur laquelle il t'appelle vers à adorer, ne leur obéis pas, mais sois un bon compagnon avec eux. Sois un bon compagnon. Ils t'appellent à l'associationnisme, tu ne leur obéis pas, mais tu dois être un bon compagnon avec. Donc ils ne t'appellent pas à haïr tes parents, même s'ils sont associateurs. Hein? Mais ils t'appellent à être un bon compagnon avec, mais de ne pas leur obéir dans la désobéissance d'Allah. Et certains ont compris qu'il n'est pas permis d'aimer le non-croyant, etc. Mais d'où ils l'ont compris? Minayna atana fahm adam al-mahabba. Qala azza wa jalla tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmi al-akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum wa abna'ahum aw 'ashiratahum ulaika كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. D'où maintenant nous vient le fait de comprendre qu'on ne doit pas aimer. Il est dit dans le verset, tu ne trouveras pas des peuples ou des gens qui croient en Allah et en l'au-delà avoir de l'amour pour ceux qui ont fait la guerre au prophète, qui ont pris un autre chemin qu'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé que le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Même s'ils sont leurs parents, leurs enfants, ou ceux de leur tribu, ou leur famille, etc. Ceux-là qui agissent ainsi, qui n'ont pas d'amour dans le cœur pour ceux qui ont pris comme ennemi Allah et son messager, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit la foi dans leur cœur. Et il leur a donné la force. فإذا دخل الإيمان في القلب لا يمكن أن يكون في نفس القلب الذي دخله الإيمان محبة لمشرك ومع أن الله نهانا عن محبة المشركين والكافرين ولو كانوا آباء أو إخوانا أو عشيرة إلا أنه أمرنا بمصاحبة الوالدين بالمعروف هنا يتضح للمسلم أن القضية لا تتعارض فيها المحبة فالمحبة من أعمال القلوب أما المصاحبة بالمعروف فهي تتعلق بأعمال الجوارح فلا تعارض ما في القلب يبقى لله ويبقى لمن يحب الله ولمن يؤمن بالله ولكن المصاحبة بالمعروف للوالدين هذا واجب عليك أن تصاحبهما بالمعروف ولو كانوا كافرين donc quand les mains l'iman la foi s'installe dans un cœur il ne peut pas y avoir dans ce cœur deux choses à la fois, la foi et le fait d'aimer un associateur. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, effectivement, d'aimer un associateur ou un mécréant. Même s'il est notre père, ou là notre frère, ou là il fait partie de notre tribu, etc. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être un bon compagnon avec. Quand nos parents sont associateurs, d'être d'une bonne compagnie avec. Et d'être à leur service et de leur rendre service tant qu'il ne s'agit pas de transgresser les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il t'envoie chercher sa bibine, non, je n'irai pas, ça je ne le ferai pas. Il t'envoie lui acheter ce qui est halal, tu lui ramènes, il n'y a pas de problème. Il te demande de l'argent pour ce qui est haram, tu ne lui donnes pas. Mais pour ce qui est halal, il n'y a pas de problème. Il te demande de ne pas faire la prière ou là de dévoiler ta femme. Non, c'est la désobéissance à Allah. Du moment qu'il s'agit du roi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, stop. On n'oublie pas. Mais on est d'une bonne compagnie avec, même s'il est mécréant. Pour nos voisins non plus. Puisque tu y prouvais que tu habites avec des mécréants. Maintenant, parce qu'il est mécréant, tu vas faire le tapage nocturne tout le temps sur son dos. Il a un droit, le droit du voisinage. Et tu as à le respecter. Il a son droit du voisinage. Et si tu ne le respectes pas là, tu dois le rendre là-bas, dans le delà. Alors, il vaut mieux s'en acquitter maintenant ici. Et là, t'apparaît clairement la différence entre l'amour qui est un acte du cœur, et la différence entre eux, le fait de la compagnie et d'être bon avec. Être bon avec, c'est un acte que tu fais avec tes membres, tu l'aides. Soit matériellement, soit avec une bonne parole, etc. Mais l'acte du cœur, ça, tu dois le réserver à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ton amour doit être pour Allah, et pour ceux qui croient en Allah, pour son messager, pour ceux qui croient en Allah, azza wa jalla. Et lui, c'est les mécréants, tu le détestes pour sa mécréance. Mais au niveau du comportement avec, tu dois être digne du comportement que te dicte Allah subhanahu wa ta'ala et que t'a enseigné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khairan.